Bon, tout le monde va bien pour cette dernière? Oui. Oui. Bon, tant mieux. Est-ce qu'on peut peut-être signaler à nos auditeurs que tu as encombré le studio avec ton énorme valise? Ah oui, finis bien ta phrase. Oh là là. Et oui, parce que cette semaine, c'est la dernière émission de la saison. Nous allons pouvoir partir nous reposer en vacances. Alors attention, gros piège à con, en vacances, tu te reposes pas. Non, tu t'énerves. Ah bah, quand dès le départ, tu tombes sur des bouchons, tu sais, tu dis pas « Regarde chérie, 3 heures d'embouteillage, on va se détendre !» Et t'es souvent coincé dans les bouchons avec en fond sonore une seule radio. Vous savez laquelle c'est? Pas Pantoufle Explosif. 107.7. C'est 107.7. Il y en a qui voyagent, dont Paul. Pantoufle, j'ai pas dit Pantoufle. De toute façon, tu captes que celle-ci hein, sur l'autoroute. T'as l'impression qu'ils ont foutu des brouilleurs. Attends, c'est clair. Et puis 107.7, ben, c'est pas Rire et Chanson si tu veux. Hein. Ben, ils te donnent tous les accidents à tous les kilomètres. Hein. Attention, au kilomètre 700, un camion-citerne est rentré dans un car de touristes. Il y a 12 morts et sur le macadam, il reste une tête d'enfant. Oh non! Tout de suite, c'est Benabar avec la chanson Les pizzas. On s'en fout. Et moi, ce que j'adore faire dans les bouchons, peut-être que vous le faites aussi, c'est klaxonner. Discretos, c'est. Parce qu'il y en a toujours un qui est premier degré dans le lot. Tu sais, c'est celui qui sort le bras de sa vitre et qui fait oh, arrête de klaxonner, tu vois bien que ça bouchonne. Sa femme, mais calme-toi, Jean-Louis. Oh, toi, ça va, tu sais combien de temps on met pour aller au Cap d'Agde. Et vous, taisez-vous derrière. Mais ils ont rien dit. Oh, toi, ta gueule. Le mec est au bout du rouleau. Il est parti à 2h du matin de chez lui, il a roulé toute la nuit, il pensait arriver au mobilhome à 10h. Pan, raté, midi, dans les embouteillages, avec le soleil qui tape à mort sur son épaule. Le mec bronze que d'un côté. Tu le croises au camping, tu lui fais « Hey, bah t'es tunisien que d'un côté, comment ça se passe ?» Voilà. Et où tu t'énerves un peu plus en vacances, c'est sur les tarifs. Hein. Tout est cher en France, hein, en juillet, en août. En vacances, j'ai quand même payé 24€ pour visiter un château en ruine. Je lui ai dit au mec, 24€ des ruines, c'est cher quand même. Hein. Il m'a dit, ah oui, mais c'est pour entretenir des ruines. Ah, d'accord, donc du coup, vous allez le reconstruire. Il m'a dit, surtout pas, ça coûterait trop cher. C'est un monument classé. Non, non, c'est un monument cassé. Ah. Et en vacances, les télés diffusent toujours des reportages à la con. Souvent, le titre du reportage, c'est Villa de rêve, arnaque au camping, barbecue, prostitution. De la Villardière. C'est le reportage qui te donne plus du tout envie de partir en vacances. Hein. Alors, si vous partez cet été, prenez avec vous les podcasts de Pantoufles Explosif. Ouais, bravo.